needs to be taught a lesson. Oh yeah. Fait qu'on va lui montrer de quel bois on chauffe. Les architectes, l'extrémiste, la leçon. Faites ça. Yeah. Et si tu penses que je te balance, c'est les sincères, rien pour le style. Détrompe-toi tout de suite. Sache que les techs n'ont rien à voir avec ta mère. Alors ta mère, tu la gardes. Et tu aimes pas me casser les couilles. Sache que c'est dans tes oreilles. Quand viendra vider le doué. Assurément, mon équipe, t'as comme 5. Et là pour vaincre, là pour convaincre les sceptiques, mais contraint. À la santé, tous ces bâtards qui perdent l'heure et mon temps. Spécialement, si soi-disant, pote présent, un bout de c'est le sang. Y'a pas de sentiment dans ce beat. Comme une bande de souris qui court après un blue cheese. Et qu'on se le dise, y'a une fois pour tout, tu peux pas avoir strat plus sur ta route. Si tu peux l'éviter, fais le coup de coude. Cette leçon, nos hip-hop s'adressent à ces soi-disant heads. Qui comme un Zayan l'a dit, dans le fond, on n'a rien compris. C'est pas un monde dans tes fesses ou plein de stalles en avirex. Que viendra automatiquement le respect, c'est qui le reject. Éphémère comme une brève, just a gay rap. Mec, tu fais que le fond, honnêtement, j'aurais honte à ta place. On the ground et pop, tu sais comment ça se passe. Tu hack, and you get this on track. Et la leçon, parce qu'on a rien à voir avec ce bouffon. Pas mes fesses, si pas dans mes intentions. Architecte et extrémiste, la connexion. Pour changer les paramètres de cette fucking équation. Et si on sonne rough son mic, c'est que la majorité du temps y'a pas de raison de type. Plein de rap ou de sac, du millery entre moi et toi. Y'en a plein d'entre eux qui vont prendre des claques. Non, c'est j'en ai marre de tous ces wacklick. Comme la gamine qui rappe simplement pour l'amour du fric. Yo, son sol logique, le fin sera sûrement tragique. Pris au bas fond du mot de mer comme le Titanic. Et de nos jours on reste dynamique. Kick des shit sur le mic pour qu'on éclate comme la dynamite. La vie qu'on vit c'est la vie granite. Marcher le béton pour survivre des événements remplis de violence gratuite. Au bout de la nuit les faux rappeurs plein de fuite. Mon clic s'effiltre, faisons des dommages à ton profit. Et yo j'insiste, que tu persistes à marcher oblique. Marche toi tu trouveras notre mental beaucoup trop sinistre. Cause de tout au point de prendre des risques. Comme des Jiggy MC qui vendent leur cul pour faire vendre des disques. Tu feras tout pour des premiers ministres. Jiggy spécialiste qui entraîne les jeunes gosses sur les mauvais pistes. Et de nos jours on reste terroriste. Rappeur exécutif qui bosse à plein temps pour tous ces agressifs. Bosse ma stratégie sur tous ces fifs. Comme la gamine qui me font penser à Keanu Reeves ou bien Christopher Reeves. Car je laisse paralyser, c'est comme le temps du lycée. La bonheur blesse crier comme nous Chano, rien pour freiner. Et si tu veux nous tester, on laisse écraser comme mes clics compressés. Faut les faire cesser de nous stresser, vexer. Alors je fais tout pour les complexer, les négliger. D'avoir le droit de pouvoir rapper, car nous autres ça fait quelques secondes, nous autres des années. Et la leçon, parce qu'on a rien à voir avec ce bouffon. Pas mes fesses, c'est pas dans mes intentions. Architecte et l'extrémiste sans connexion. Pour changer les paramètres, je suis fucking l'équation. Et si on sonne rough sur mic, c'est que la majorité du temps y'a pas de raison de taille. L'un de grand contre-attaque. Du millery entre moi et toi, y'en a plein d'autres qui font prendre des claques. Non, c'est Ziggy Ziggy Ziggy Zazen. Lex, la leçon tu dois apprendre. Mais avant, faut comprendre. Comme un escalier, je peux te monter, mais je peux aussi descendre. L'obstacle que tu ne peux contourner, l'extrémité, la difficulté que tu ne peux surmonter. L'inévitable réalité, le problème à affronter. Fardeau, la charge, une responsabilité. Le poids demeure sur une conscience. Des balances, une mentalité. La violence, un moyen d'expression innée. Dieu, un homme athée. J'élive l'information avec rapidité. La révolution ne sera pas informatisée. Et pas internautisée. Ziggy-za, hypnotisé. J'ai l'excuse et la bonne raison du rappeur. D'être exclusif et meilleur. Persuasif et persécuteur. Faut pas se précipiter. J'enlève du temps dans tes heures. Y'a que mon stress qui est pressé. Y'a que ma vie comme ma voix qui est compressée. Et mon flow n'a pas encore relaxé. MC, vaut mieux se sentir menacé. Car les nausées abondent lorsqu'on se sent visé. T'entends l'originalité, maintenant j'espère que t'as réalisé. Car avant de prendre conscience, vaut mieux prendre conseil. Car je t'éduque, t'enseigne ou t'ensanglote sur scène. C'est dans un chemin suicidaire que je t'entraîne. Moi je fais juste couper ta parole. Peut-être que Zazen te coupera les veines. Issu d'une culture marginale, par contre d'un point de vue social, je suis 100% hip-hop. Faut qu'on constate, je m'en fous comme MP3, je m'en fous comme MP4. Me simple scratch ou break, mon shit est photo copyright. Zazen, apprends la leçon, j'aime manger chien. For life, la leçon. Et la leçon, parce qu'on a rien à voir avec ces bouffons. Prends mes fesses, c'est pas dans mes intentions. Architecte et l'extrémiste en connexion. Pour changer les paramètres, c'est une fucking équation. Et si on sonne rough sur le mic, c'est que la majorité du temps y'a pas des raisons de type. L'underground contre attaque. Du milieu entre moi et toi, y'en a plein d'entre eux qui vont prendre des claques. Non, I'm saying la leçon. Cette année y'a pas question qu'on se laisse faire. C'est rap underground, rien de commercial ici. La leçon. Montrer quel bon show, non, c'est... Ouais. That is great. feeling super. Only, you murdered all three of those bums.